J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du comics. Et on est un peu, on parle dans le futur actuellement, puisqu'en fait nous sommes la semaine dernière. En fait, on enregistre l'émission. Tu veux dire nous sommes la semaine d'après. Nous sommes la semaine d'après. Nous sommes le 8 mai. Nous sommes le 1er mai. Nous sommes le 1er mai, oui, exactement. Mais pas vraiment. En fait, on n'est pas vraiment le 1er mai puisque aujourd'hui c'est férié. Donc on enregistre. Parce que je suis travaillé aujourd'hui, moi. Du coup, non, c'est bon. C'est juste. Attends, je sais même, on est quel On est le 24. On enregistre une émission avant celle en direct. Ah, ça y est. Donc voilà, on va vous parler de Rebirth. Est-ce que ça va tout le monde? Bon, Thomas n'est pas encore arrivé, puisque Thomas va arriver, mais nous sommes avec Faye, vous l'avez entendu? Oui, bonjour tout le monde. Ça va, Faye? Oui, ça va très bien. Avec Juni. Yo. Et avec Mathieu. Salut, bon 1er mai à tous. Ouais, bon bah... Ouais, exactement. Et d'ailleurs, ça sera bientôt le 4 mai. Et vous savez ce qu'est le 4 mai, bien sûr. À chaque fois, il faut qu'ils placent leur truc Star Wars. T'as deviné. Putain, c'était subtil pourtant. Ah ouais, franchement. Ce jour-là, j'aurai un carton sur la tête juste pour éviter tous les messages partout. Et on fera. Et bien, on t'enverra des SMS. Ça changera du bazar actuel, non? C'est bien. Oui, c'est bien. Effectivement, oui. C'est un peu plus sympathique que l'actualité qui est en ce moment. On va commencer de suite l'émission et pas de news parce qu'on a un programme très chargé, puisque comme je vous l'ai dit, on va vous parler de Rebirth et notamment de DC Universe Rebirth qui va sortir. Je sais pas si c'est sorti déjà ou si ça va sortir alors, dans quelques jours. Je peux te dire ça, mon petit James, parce que c'est une news qu'on a déjà dit en fait la semaine dernière. Wow, c'est fantastique dans les sorties et c'est le 5 mai. C'est le 5 mai donc ce sera donc, le lendemain du. Ça sera dans 4 jours. Ouais, voilà. Ouais. Donc c'est pas encore sorti. Et donc c'est le c'est un gros. T'es de combien de pages est-ce 600. Que tu... Oh oui, beaucoup. Non, je crois qu'on a 800. Un gros pavé. Je les ai pas comptés, mais il y a beaucoup de titres. Et en fait, c'est tous les titres Rebirth. Donc il y en a 22, non? T'as pas dit? Il y en a 22, non, il y en a plus de 22. Il y en a plus de 22. Ok, bon. Enfin bon, c'est tous les titres numéro 1, donc de mentionné Rebirth. Le DC Universe Rebirth de Geoff Johns, réunis dans un seul tome pour la somme modique de, je crois que tu le savais, Maryse Faye. 35 euros, ouais. Donc c'est vraiment pas cher. On va commencer un spoiler direct. Franchement, ça vaut le coup. Je pense que ça vaut le coup. Si vous connaissez pas bien l'univers de DC, si vous connaissez l'univers de DC, c'est peut-être un peu redondant. Ouais. Mais on va aller dans le débat un peu plus tard et on va commencer direct par le titre phare DC Universe Rebirth de Geoff Johns et dessiné par il y a quatre dessinateurs sur ce titre. C'est Ethan Van Skiver, Gary Frank, Ivan Rice et Philippe Riminez. Je connais pas trop Ethan Van Skiver, mais Gary Frank, Ivan Rice et Phil Riminez, c'est vraiment du très lourd. Et du surtout Ivan Rice, j'aime beaucoup Ivan Rice. Ouais, c'est popcorn ce qu'il fait, c'est bien, c'est très comics. C'est vraiment moi quand je pense comics, je pense en général Jim Lee, Ivan Rice, c'est ça part dans tous les sens, c'est bourré. On en parlait hier avec peut-être un petit exemple pour les gens qui connaîtraient pas de il a fait du Aquaman, Gary Frank, il a été sur Justice League, je crois. Phil Riminez, je pourrais pas te dire comme ça de tête. Il a fait du X-Men, je crois, à un moment donné. Ouais, il a peut-être fait du X-Men. Il y a du Astonishing. C'est du. Oui, c'est ce que tu dis, c'est comme du DJ, mais c'est très très propre. Ouais. Moi, ce qui me dérange un peu, on en a parlé hier avec Juni, c'est peut-être un peu trop propre. Et ça manque un peu de personnalité. C'est pas faux. Là où Ethan Van Skiver, par exemple, j'aime bien, c'est un peu plus sombre, c'est un peu plus adulte. Il a fait beaucoup de Green Lantern, c'est un peu plus agressif comme trait, hein, je trouve. Les autres, ouais, c'est consensuel, mais ça passe. Ça manque bien, un peu de personnalité, en fait. C'est que... voilà. Et donc, qui c'est qui a lu DC Universe Rebirth autour de la table? On est trois. Peut-être que Thomas l'a lu, on verra plus tard. Et qui c'est qui a envie de le pitcher? J'ai fait un pitch parce qu'en fait je nous ai réparti toutes les séries et du coup j'ai pas fait de pitch pour celle-là. Qui c'est qui a envie de pitcher vite fait? On pourrait pitcher Rebirth déjà au moins, grosso modo. C'est, ouais, bah vas-y. Moi, mince, parce que j'ai pas trop suivi. Fallait pas parler. Alors grosso modo, c'est une procédure éditoriale de DC Comics de relancer son univers depuis encore. 2011 encore. Oui, oh, ils sont pas. DC le fait pas tant que ça. Ouais, à la limite, ouais. La dernière fois, c'était en 2011. C'était ce qu'on appelait les New 52, et les nouveaux 52. Ils ont tenté de redynamiter un peu leur univers. Et là, ils font un petit peu marche arrière avec Rebirth. Très clairement, les éditeurs ont dit qu'ils voulaient surtout se rapprocher de leur cœur de cible, du groupe de lecteurs habituels. Des gens qui râlaient parce qu'il n'y avait plus le multivers. En gros, voilà, des gens qui râlaient sur les New 52, sur les nouveaux 52. Et donc, ils relancent leur univers avec énormément de titres au numéro 1 ou alors d'anciens titres iconiques comme Detective Comics et Action Comics qui reviennent à leur ancienne numérotation avant les New 52. C'est pas facile, mais faut saluer par contre le fait qu'ils sortent vraiment ce pavé avec tous les numéros 1, comme ça, moi, effectivement, pour 35 euros. Urban, franchement, c'est une bonne base. Et du coup, le titre de Geoff Johns, c'est. Alors, c'est le flagship un peu de tout ce relaunch. Donc, c'est le titre à lire qui est censé faire un peu le lien. Et c'est l'arrivée de Thomas. Ah, ouais. On peut l'applaudir. Allez, bonjour à tous. C'est bien, il est poli. Donc on était sur DC Universe Rebirth de Geoff Johns. Je suis en train de ramer sur DC Universe Rebirth. Est-ce que tu l'as lu ? Oui, je l'ai lu, oui. Et c'était très cool. Ben voilà. Et je vais le pitcher puisque en fait c'est Wally West qui était un personnage qui avait disparu suite au New 52. Donc le Wally West c'est le second Flash, le premier Kid Flash, qui est un personnage que j'aime beaucoup. Par exemple, c'est lui qui était dans Justice League, le dessin animé. Dans Young Justice. Dans Young Justice, c'était lui aussi. Et du coup, il avait disparu de l'univers et il revient grâce à l'amour de son papa. Ouais, voilà. Et donc en fait, dans ce numéro, on le voit aller voir plein de personnages, notamment Batman. On le voit voir. Ouais, visiblement, il y a une énorme menace dont on ne sait pas grand-chose a priori, qui aurait volé. En fait, il y a un gros événement d'essai qui s'appelle Flashpoint, où si je dis pas de bêtises, Flash est reparti dans le passé pour sauver sa mère. Ouais. Ça a foutu une espèce de bordel dans la continuité temporelle. Un gros effet papillon. Ouais, comme d'habitude. Ils aiment bien jouer avec le lignée temporelle, les super-héros. Là, ça a foutu un merdier pas possible. Et donc à ce moment-là, sur Rebirth, ils sont revenus donc à la lignée temporaire habituelle. Normal, ouais. Sauf qu'il y a quelque chose qui a piqué 10 ans, tranquillou bilou. Et on ne sait pas qui est c'est qui. Et non, Docteur c'est... Manhattan. Et voilà. Tu l'aurais vu, spoil, tranquille. Allez, fin de l'émission. Non, mais c'était c'est... bien à peine d'arriver en retard pour dire ça, franchement. Oui, a priori, l'accueil assez pas froid, mais un peu suspicieux de Rebirth aux États-Unis, si j'ai bien lu, c'est qu'effectivement, il y aura un gros lien avec les Watchmen d'Alan Moore. Ouais, en fait, ils ont lié les deux univers. C'est dit tout du long, enfin, c'est pas réellement dit, mais on le comprend, quoi. Voilà. Ouais, à la fin du DC Universe Rebirth, il y a un épisode où on voit Dr. Manhattan. Mais je suis assez partagée, enfin, je suis curieuse de voir ce qu'ils vont faire, mais en même temps, je me dis, qu'est-ce qu'ils ont à foutre là, les Watchmen ? Enfin, les Watchmen, je sais pas, mais les Watchmen, oui, pourquoi pas. Je sais pas, pour moi, c'est un truc à part et on va avoir un autre débat sur Batman Beyond, ça va être le même débat. Donc je sais pas pour l'instant on n'en voit pas assez pour pouvoir avoir un vrai avis sur le. En tout cas, moi j'ai trouvé vraiment le titre vraiment très très cool. C'est un bon moyen de rentrer dans l'univers de DC et je pense que ça va être le. Ça reprend plein de aussi, ça parle de plein de trucs de. Mince, comment on dit, toute la culture d'ici un peu. Ouais, on ouais, bah, de, plein de continuités. De... On parle vraiment de tout, du coup, pour les amateurs, ça permet un peu de se retrouver dedans parce que c'est assez clair. Bah, moi, mon problème, c'est que je me suis un peu ennuyée dedans. J'ai l'impression que c'était hyper répétitif. Ouais. Le gars, il erre de gens en personne. Ah, vous rappelez de moi, vous rappelez de moi. Mais si tu connais pas le balance de Wally West, au ouais, moins, mais j'ai eu l'impression de. Tu vois, enfin après, ça fait longtemps que je l'ai lu, donc peut-être je me rappelle pas, mais au début des New 52, enfin et tout, t'avais un personnage pareil qui voyageait pareil dans la Force Véloce et qui allait un c'est peu. C'est au début partout, de Flashpoint, tu voilà, au début de Flashpoint. Bon, je me rappelle plus. Et je veux dire, ils peuvent pas utiliser autre chose que ça pour relancer leur univers. Bah, c'est un non. peu leur c'est un peu leur mythologie. Moi je trouve ça cool. Continuité, moi je trouve ça bien qu'ils restent sur la même continuité, que enfin qu'il y ait une base DC qui reste pas un peu comme Marvel qui à chaque fois ils essaient de renouveler la chose et ça devient bordélique. Bon, bien sûr c'est bordélique un peu l'univers Flash, mais au moins ça reste dans la même continuité et je trouve qu'au moins on respecte la mythologie DC, on y fait référence à chaque fois en plus, donc c'est un bon clin d'œil pour les gens qui ont lu Flashpoint. En termes d'écriture, j'ai trouvé que c'était hyper lourd parce que tu vois au final un gars qui essaie de prévenir des gens mais qu'est-ce qu'il fait au final, il fait que se plaindre pendant tout le truc, quoi. Il tape dans le sentimental, c'est pour ça qu'ils font ça. Ouais. Mais moi je trouve ça touchant, puis ouais, même je connais pas très bien, je me suis rendu compte justement avec ça que je connaissais pas très bien DC, il y a plein de trucs que je connaissais pas, et je connaissais pas très bien Barry West. Barry Allen, Wally West. Il mélange tout le monde. Voilà. Wayne, non. J'ai complètement oublié ce que je voulais dire, c'est pas grave. Que tu connaissais pas bien Wally West. Ouais, c'est ça. Et que du coup, le titre t'a permis d'en apprendre plus sur lui. D'en apprendre un peu plus, et ça m'a donné envie d'y intéresser un peu plus et connaître un peu plus tous ces personnages et tous les événements qui sont passés auparavant. Parce que quand je vois ça, je me dis, waouh, j'ai raté un gros truc en fait. Parce que je suis plus un Marvel boy, du coup, je me suis rendu compte grâce à ce titre. Ok, bon, on va passer à un autre titre. Qui c'est qui a envie de commencer? Surtout ne levez pas la main tout de suite. C'est la radio en même temps. C'est comme à l'école. Bah, allez, c'est Thomas qui va commencer comme il est arrivé en retard. Et, comme ça, tu me presses d'un coup. Alors, qu'est-ce que. Ah ouais, j'ai lu. Wonder Woman Rebirth, du coup. Ouais, vas-y. Ah, je vais commencer par ça. Alors, c'est écrit par Greg Rucka. Ouais, et le grand Greg Rucka. Greg Rucka, il avait travaillé aussi sur Wonder Woman avant, non? Ouais, et là, surtout, c'est surtout un des deux papas de Gotham Central, qui est la série qu'il faut avoir lue si vous aimez l'univers de Batman. Voilà, et après, on a Patrick Gleason et Doug Mank, des dessins que je ne connaissais pas du tout. Bah, Patrick Gleason, c'est la deuxième moitié de l'équipe créative Thomas Gleason, qui était sur Batman Rebirth, Batman et Robin, excusez-moi, avant, et qui maintenant est sur Superman. Oui, voilà. Merci. Et du coup, ça, c'est un numéro qui permet surtout de revenir un peu sur les origines de Wonder Woman. Donc ça se voit que c'est vraiment... ce Rebirth, c'est vraiment là pour être accessible aux plus débutants. Et du coup, on retrouve un peu toute la mythologie de Wonder Woman. Mais à part ça, il se passe pas grand-chose. Hein. C'est très très court, ça se lit en deux secondes. Mais je crois que c'est tous les titres sont comme ça, en fait. Hein. Ouais, tous les titres sont comme ça. Mais du moins, on voit qu'on essaie de nous amener une Wonder Woman un peu plus proche de celle de cinéma. Et j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un peu ça dans le Rebirth. Parce que, justement, depuis hyper longtemps, depuis New Fistou, elle est avec les trucs argentés. Et maintenant, elle a repris son costume or pour revenir à ses origines, on voit ça. Ouais, elle en a rien maintenant. Voilà, c'est juste un petit teaser de ce qui va se passer, et c'est juste pour nous mettre dans le bain, c'est qu'un numéro 1 de toute façon. Mm. Pour l'instant, les dessins aussi sont vachement cool. Les dessins sont cool. Ouais. Après, il y a deux styles de dessins différents dans le truc, vu qu'il y a deux dessinateurs, mais ça se lit plutôt bien, et c'est assez accessible en tout cas. Je pense vraiment que voilà, c'est visé pour les amateurs en tout cas. Est-ce que ça te donne envie de lire la suite? Et puis, ouais, ça donne envie de lire la suite, et en plus, on a quand même quelques images qui nous montrent ce qui s'est passé pendant les New 52. Et du coup, c'est aussi, ceux qui aiment les New 52, voilà, ils sont pas perdus, ils gardent leur personnage, ils ont juste un numéro, ou voilà, on reintroduit vite fait le truc. Après, j'avais lu. Mais on va faire un tour. Tous les titres, si on fait des tours à chaque fois, ça va être hyper long. Sur le Wonder Woman, je suis assez d'accord avec lui, moi j'ai bien aimé aussi. J'ai bien aimé le dessin, l'histoire, ça replaçait bien le truc. Ouais, moi j'avais lu un peu le début, tu vois, des New 52, et après j'avais un peu décroché. Et là, c'est vrai que ça m'a donné envie de lire la suite. Ça te remet bien dans le bain et tout, ouais, je suis d'accord avec vous deux. On va tourner comme ça. C'est Juni qui va enchaîner, et Juni qui nous parle de ce que t'as envie. Vas-y. Je peux choisir là, ouais, comme vas-y, ça tu peux choisir. Je stresse la pression. je vais commencer par. Je vais commencer par mon préféré de personnage. Donc, je vais commencer par Superman. Vas-y. J'essaie de situer en fait l'histoire de Superman. Ah oui, c'était un peu. Je crois que c'est le plus compliqué. Voilà, c'était un peu confus comme histoire. En gros, le Superman de New 52, qui avait provoqué pas mal de colère lorsqu'il était sorti parce qu'il n'avait pas de slip rouge, avait une personnalité un peu plus agressive que le Superman habituel. Il avait ses deux parents étaient morts. Enfin, toute son origine avait fâché pas mal des fans traditionnels de Superman. Et ils ont fini par le tuer en fait, et ils l'ont remplacé par le Superman de l'univers d'avant. Donc avant le reboot qui a donné New 52, il y avait un autre Superman qui était beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus proche de l'idée qu'on en a généralement. Et ils ont fini par le faire revenir avec sa femme et son fils. Et dans ce chapitre-là, donc le Superman Rebirth, il est écrit par Peter J. Tomasi et dessiné par Jamie Mendoza et Doug Manke, je sais pas si ça se prononce comme ça. Là, c'est encore le même du coup. Ouais, du coup c'est Thomas, il est pas avec Gleason, mais normalement, je crois que sur la suite c'est Thomas et Gleason. Ouais, et donc en fait, le Superman du New 52, donc le Superman de ce monde-là en fait, vient de mourir, il a été enterré, son corps a été brûlé, etc. Il reste plus que des cendres. Et le Superman du monde d'avant, en fait, vient sur la tombe parce qu'ils se sont rencontrés juste avant. Ils auraient pu devenir amis et ça s'est pas fait. Et ils se retrouvent en fait à devoir protéger le monde que le Superman qui vient de mourir a laissé derrière lui. Et c'est un peu comme toutes les autres histoires de ce livre, en fait. C'est une sorte de mise au point, c'est-à-dire on explique au lecteur qui. Le personnage, en fait, explique qui il est, d'où il vient. Et donc ce Superman explique qu'en fait, il s'est exilé d'un monde qui maintenant n'existe plus. Il habite dans un monde qu'il connaît pas tout à fait. Et il rencontre une Lana Lang qui est une version alternative de celle que lui a connue quand il était jeune, et du coup en fait il se prépare à prendre la place du Superman qui est déjà mort. Et après, en tant que fan de Superman, j'ai trouvé l'histoire, bon, c'était de la mise au point quoi, donc ça cassait pas trois pattes à un canard, mais il y avait un moment extrêmement touchant, on va dire, où l'ancien Superman prend conscience vraiment de quelle était la personnalité du nouveau, et la différence dans leur enfance personnelle, etc. Et les, comment dire, le type d'héritage qu'il va devoir protéger, en fait, maintenant que l'autre Superman est mort. C'est mon rôle de protéger cette planète, et je peux comprendre maintenant un peu mieux qui c'était et quel genre de vie il avait avant, et j'ai trouvé ça plutôt bien. Donc je pense que je jetterai un petit œil histoire de voir ce que ça donne. C'est celui de Terre 2, non? Ouais, c'est ça. Et le bouquin, enfin le projet a l'air intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, il donne pas tellement d'informations sur ce qui se passera par la suite. Il présente juste le personnage et ses enjeux, en quelque sorte. Et l'angle que j'aimerais voir le plus, en fait, et que pour l'instant, j'ai surtout vu dans Super Sons, qui est publié chez DC en même temps, qui est sur le fils de ce Superman, qui a genre 12 ans et qui commence sa carrière super-héroïque, c'est l'angle familial. C'est-à-dire que ce Superman-là, il a une famille, il est marié avec Lois, ils ont un enfant qui a quelque chose comme 12 ou 13 ans. Et j'aime bien justement cet angle-là, et dans Super Sons, il le montrait bien. C'est Superman qui joue au jeu de société avant d'aller sauver la planète et qui fait un bisou sur le front de son fils et de sa femme avant de partir. Et j'aime bien cet aspect-là, on le voit assez peu finalement. Et bah oui, mais moi j'ai commencé à lire, je trouvais ça un peu confus. Bah, comme je lisais pas Superman et que j'avais un peu trop tard sur Justice League, j'étais un peu. J'ai dit merde, il est mort, mais qu'est-ce qui se passe? Ça m'a un peu. C'était la même, ça m'a un peu spoilé. Parce que je suis qu'au tome 4 de Justice League New 52, du coup. Ouais, bah merci. Du coup, faut vraiment être genre. Il y a un truc dans DC Universe Rebirth qui te spoil. Qui spoil un gros truc. Un gros truc autour du Joker, dont je vais pas parler. Puisque... De toute façon, je dis Dr. Manhattan à partir de là. Oui, non, mais le truc du Joker, c'est assez ouf. De toute façon, ouais, si vous voulez commencer, ça va être avec DC Rebirth et vous serez obligé de vous faire spoiler. Ouais, bon, vous allez vous faire spoiler de toutes les façons. Mais par contre, ouais. Tu vois, sur Superman, bon, je suis pas super fan du perso, ouais, moi non plus. Mais je trouve que le numéro 1, pour moi, c'est pas suffisant pour me faire vraiment une idée dessus. Ouais. Je serais un peu curieuse d'en voir un peu plus pour voir si ça va m'intéresser ou pas. Mais après, Tomasi, c'est vraiment un super écrivain, c'est un super scénariste sur Batman et Robin. Moi, il m'a fait pleurer à certains. C'est vraiment un scénariste que j'aime beaucoup. Donc, je vous le conseille beaucoup. Peut-être pas sur Superman, mais en tout cas, vous pouvez lire du Tomasi. C'est bon. T'avais fini sur Superman? Oui, moi c'est bon. Ok, bon, on va switcher à Faye. Oui, je vais vous parler du premier. Moi, je vais faire dans l'ordre de lecture, les enfants. Vas-y. Alors, je vais vous parler de Titan, qui est au scénario par monsieur Dan Abnetti, si je prononce bien. Dan Abnetti. Ouais, excusez-moi, j'ai rajouté un i dans mes notes. Oui, alors ce monsieur, en fait, j'ai vu qu'il était romancier, qu'il avait bossé sur du Warhammer, du Tomb Raider. Il a aussi fait du Batman, est-ce que j'ai vu? Il a pas fait du Gardien de la Galaxie. Il a fait du Gardien de la Galaxie aussi. J'adore ce mec, ce mec. Je le vénère. Bref. Même ses bouquins Warhammer 40 000, c'est cool. Mais c'est vraiment, avant, je m'étais jamais intéressée en fait à lire les noms des auteurs, enfin, entre parenthèses. C'est pour ça que je connais personne en fait. Vas-y. Au dessin, alors c'est Brett Boots. Il était sur Flash. Sur du Teen Titan, j'ai vu du Nightwing aussi. Ouais, peut-être, ouais. Mais il était sur Flash aussi avant, il a fait du Flash un peu. Bah, merci James. Donc en fait, Titan, c'est quoi? Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais faire un parallèle simple. C'est un peu Young Justice, enfin, c'est-à-dire que c'est une équipe de psychiques de super-héros, version adulte. Donc en gros, on retrouve Wally West, on a Dick Grayson, on a d'autres persos, voilà, ouais, Robin. On a d'autres persos. Firestorm. Roy Harper, Arsenal, du coup. Arsenal, voilà, ouais. Le Faucon, je pas quoi, la colombe, enfin ils avaient noté plein de noms bizarres. Mais si vous connaissez Teen Titan, la série animée, voilà, c'est un peu pareil. C'est le même personnage. Et donc là, en fait, Cyborg. Parce que Cyborg est dans la Justice League maintenant. Ouais. Voilà. Donc en fait, c'est les... comme ça. Et donc là, l'histoire, c'est donc le petit Wally West qui est donc revenu et qui va avoir ses poteaux parce que quand même, tu vois, il est trop en manque et tout. Et puis, oh là, vous vous rappelez pas de moi, c'est moi, Wally et tout. Puis les gens, ils sont là, ah bon, non. Et bah, il arrive à leur rendre la mémoire par un moyen qui est vraiment hallucinant et qui vous fera rire. C'est-à-dire qu'il les touche, il leur fait ça des fait une étincelle et oh mon Dieu, la mémoire revient. Voilà, les Speed Force, voilà. Voilà quoi. Et du coup, le titre alors est super court et en fait, pour moi, ça serait genre l'intro d'un épisode. C'est juste en fait, c'était ce premier épisode, c'est juste la rencontre, les retrouvailles. C'est réintroduire Wally West en fait. Ouais, voilà, c'est les retrouvailles entre les potes et qui se disent bah merde, on a perdu du temps, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et qui vont se dire bon bah les gars, on va faire l'enquête. Voilà, c'est juste ça l'épisode. Ouais. Alors, moi, je trouve que c'est super court pour se faire vraiment une idée. Après, la façon dont les persos interagissent entre eux et tout, c'est sympa, c'est très teenager, ça pourrait très bien faire une série qui pourrait passer, je sais pas moi, sur CW, Warner. Dans mais c'est une série, en fait, c'est vrai, je pense que c'est la série la plus nostalgique. C'est vraiment ceux pour, qui étaient fans de, bah, des Teen Titans pré-New 52 et qui voulaient retrouver cette équipe. Et en fait, bah, en fait c'est l'équipe qui se retrouve et c'est vraiment ça qui... Peut-être, peut-être. Enfin bon, après, il y a un côté, je te dis, ça peut faire patienter pour les gens qui attendent de Young Justice, par exemple. Moi qui étais assez fan de la série animée. Oui, c'est un peu le même esprit. Ouais, j'ai retrouvé un peu le même esprit. Donc celui-là, je le conseillerais, mais il faut attendre voir sur plusieurs numéros. Ouais, c'est sûr qu'avec un issue, c'est dur de se faire un avis. Mais Voilà, c'est ce que je dis, c'est beaucoup trop court, ça se lit vite. Après, bon, bah, les dessins, ils sont assez classiques, il n'y a rien de spécial. Ouais, moi, j'aime pas trop Brett. C'est pas hyper laid, mais c'est pas hyper beau non plus. Et puis les couleurs, voilà, sont très sombres parce que je sais pas pourquoi ils font des retrouvailles dans le noir. Écoutez, ils peuvent pas allumer les miens. Je sais pas. Mais bon, un titre sympathique. Ouais, le titre est sympa, ouais, effectivement. Bon, on va passer à moi et je vais vous parler de quoi. Je vais essayer de commencer par. Ouais, on va commencer par Bad Girl and the Bird of Prey Rebirth. Donc, c'est scénarisé par Julie et Shona Benson et dessiné par Claire Rowe. Alors, c'est Oracle. C'est quelqu'un qui se fait passer pour Oracle, donc l'ancienne identité de Barbara Gordon, et Bad Girl va s'allier avec son ancienne coéquipière chez les Bird of Prey, Black Canary, pour découvrir qui récupère cette identité de Oracle. Et en plus, elle s'est infiltrée dans son réseau en plus, donc qui a réussi à rentrer dans le réseau informatique de Barbara Gordon. C'est Bird of Prey. Je sais pas pourquoi j'ai décroché. Et en plus, à côté de ça, il y a Elena Bertellini qui est l'ancienne matrone, c'est la chef de Spiral, une organisation dont je vous parlerai un peu plus tard dans Nightwing, puisque c'est là que, en fait, dans l'ancienne série qui est autour de Dick Grayson, qui s'appelait Grayson, c'était une organisation secrète qui faisait des trucs par rapport à l'identité des super-héros. Et en fait, c'est l'ancienne chef de cette organisation qui vient de se faire démanteler par Nightwing, qui va reprendre un nouveau costume, celui de Huntress, et en fait, elle va essayer de tuer tous les mafieux de Gotham. Et c'est trois personnages qui vont se rencontrer et qui vont essayer de du coup c'est surtout la rencontre. Dans le premier on les voit se rencontrer les deux. C'était qui Huntress? Huntress à la base, Huntress, enfin, c'est je vois qui c'est, mais son identité, c'est une fille, alors l'origine que je connais, elle vient de la série animée de Justice League, donc je sais pas si c'est celle de la BD, mais celle que je connais, c'est une fille de mafieux qui s'est fait tuer mafieux comment on appelle ça encore, rival. Et elle était dans le placard lorsqu'elle a vu ses parents se faire massacrer à coups de poing. Et oui, du coup elle est devenue vigilante dans la ville, dans les rues de Gotham en fait. Ah, mais c'est un, je sais pas si on fait dans Arrow en fait, ou c'est la fille d'un mafieux, enfin d'un mafioso. Oui, parce que moi je l'ai vu que dans Batman Silence du coup, et je trouvais le personnage vachement badass, mais je l'ai jamais retrouvé. Mais je sais pas si elle y était dans les New 52, j'ai lu aucun titre. Je sais pas si elle était pas dans Bird of Prey des New 52. Je vais pas te dire de conneries, mais je sais que je l'avais lu, il me semble qu'elle était dedans. Le titre est sympathique. Le titre est très, c'est encore dans le délire de Bad Girl qui était très girly, donc le dessin est très très girly, là il y a un peu plus d'action que d'habitude, c'est sympathique, mais je sais pas si je dirai la suite. Tu l'as lu, qui c'est qui l'a lu autour de la table? Moi je l'ai lu. Ok, juste bah, moi je l'ai lu parce que j'avais bien aimé le début de Bird of Prey dans New 52, mais après j'avais un peu arrêté parce que c'était devenu nul. Et là je retrouve un peu ce que j'avais aimé dans les New 52, quoi. Ça divertit, c'est pas extraordinaire, mais ça divertit. Puis bon, j'aime bien les persos qu'il y a dedans. Donc, Mais si vous avez aimé Bad Girl, l'ancien run de Bad Girl, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est la même chose. Donc voilà. Ok. Et ben on va passer à Mathieu. À moi. Alors moi, je vais vous parler de Deathstroke, le fameux mercenaire de DC Comics. Je crois que c'est le titre que j'ai préféré de tout le. Deathstroke. de tout le bouquin. Ouais. D'accord. Ah, il a pas aimé. Donc voilà, c'est le mercenaire futur méchant de Batman dans le prochain film qui fait partie de ces méchants un c'est peu. Pas sûr. Bah, bah si, non. Ça a été démontré. Ah, dernière nouvelle, ouais. ils sont en train de réécrire le scénario et ils veulent peut-être le. Ah, ça sent bon. Ça. Tu sais comment ils sont. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, je me suis avancé, effectivement, pardon. Donc ce n'est pas du tout. Bon, bref. Donc, mais ce genre de méchant qu'on peut avoir dans les comics, un peu borderline, peut-être parfois un peu comme du Magneto, c'est du méchant, mais avec parfois certaines valeurs. Et en l'occurrence, donc, c'est Christopher Priest qui scénarise, qui a pas forcément fait une énorme carrière, créateur de Quantum et Woody chez Valiant, quand même, qui a fait un peu de Green Lantern. Quantum et Woody, c'est vraiment très bien. Ça, par contre, c'est cool. Ouais, c'est J'aime bien ça, par contre. Ça, bah, oui, alors parce que là, pour le coup... Non, j'avais jamais lu de Deathstroke, j'avoue. Donc là, en gros, l'histoire, c'est que bah, c'est un mercenaire qui accepte un contrat pour pouvoir aller zigouiller un gars. Et assez très, très vite, ça commence à se trahir de partout. Alors, c'est une intro assez moyenne, je trouve, parce que t'as quelques flashbacks et t'as quelques lignes de dialogue pour comprendre un peu Deathstroke. Mais pas tant que ça. Derrière, t'as beaucoup de name-dropping. T'as beaucoup d'événements, de lieux, de noms. Les situations sont parfois un peu confuses, même en termes de temporalité. Ça se passe des fois avant. Il y a des flashbacks. En même temps, oui. Ouais, c'est pas très très très clair. Il y a beaucoup de choses, mine de rien. Ça se trahit, il y a de l'action, il y a du flashback, il y a des machins, il y a des trucs. Et pour le coup, je trouvais ça un peu confus. Moi, j'étais un peu lâché assez vite. Ce qui est peut-être un peu dommage parce que c'est un perso, après tout, ça me paraît c'est pas très très compliqué de faire une intro sur Deathstroke. C'est un mercenaire basique, pas dans le mauvais sens du terme, mais voilà, il n'y a pas forcément non plus un background extraordinaire. Mmh. Donc j'étais un peu perdu dans toutes ces infos. Moi, ça m'a pas transcendé. Les dessins, c'est Carlo Pagalia ou Pagulayan. Je trouve ça vraiment beau. Ouais, c'est un Philippin, il y en a pas mal dans l'industrie, il a fait Planet Hulk notamment. Ouais, c'est agréable, c'est assez dynamique. Je trouvais qu'il avait un travail sur le découpage qui était assez péchu, c'était pas mal, ça a pas énormément de caractère, mais c'était plutôt efficace. Le dessin était cool, donc ça, les dessins c'était cool. Après, ouais, moi j'ai pas des masses accrochées à l'univers pour l'instant, je pense pas que j'aille plus loin personnellement. Mais c'est le premier truc que je lisais, donc c'est pas forcément évident de se mettre dans le bain là pour le coup. Alors, moi j'ai vraiment kiffé, j'ai trouvé que contrairement à Deadshot, on a vu dans Suicide Squad, ils essaient pas de dire ah mais regardez il est gentil quand même un peu. C'est le mec est quand même un enculé, c'est quand même un gros. Oui, ça trahit en deux pages. Oui, il y a des petits trucs par rapport à ses origines, enfin pas vraiment ses origines, à son passé, qui sont assez intéressantes, notamment des liens familiaux, tout ça. Et frère, franchement, j'ai passé un super moment en lisant ce bouquin. Ouais, c'est peut-être un peu confus comme tu disais, mais waouh, c'est sympa. Bah, moi, tu vois, j'ai trouvé ça super confus aussi, et ça m'a pas donné envie de rentrer plus dans la lecture. Je pense pas que je l'ai. En fait, t'as kiffé quelque chose que t'as lu Ouais. Ouais. Ouais. Ça va venir, ok. Ça dit, bon, on a fait tout un tour, donc on va faire la petite pause musicale qui va bien, et puis après on va peut-être aller un peu plus vite parce que on va jamais y arriver. Là. On va jamais arriver à finir tous les titres. Donc la première pause musicale, c'est Johnny qui l'a choisi du Kendrick Lamar, je crois. Pourquoi tu as choisi Kendrick Lamar juste Non, mais là, en plus l'album vient de sortir, la musique est super, le clip est génial et j'aime beaucoup Kendrick, donc ouais, j'ai pris ça parce que c'est l'un des trucs que j'écoute en boucle ces derniers jours. Ok, donc c'est Humble de Kendrick Lamar. We get a weakness, you gotta see this. Yeah, yeah. I remember syrup sandwiches and crime allowances. Vanessa nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan where my accountant lives, in fact I'm down in this. Douce with my boobay tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy your Westie world with my base stuff. Ooh, that pussy good, won't you sit it on my taste buds? I get way too petty once you let me do the extras. Pull up on your block, then break it down, we playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM phone. Out your per diem, you just gotta hate them funk. If I quit your BM, I still rock Mercedes funk. If I quit this season, I still be the greatest funk. My left stroke just went viral. Right stroke, pull a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Bitch, be humble. Hold up, bitch. Sit down. Hold up, be humble. Bitch. Hold up. Sit down, be humble, bitch, sit down, be humble, sit down, be humble, sit down, be humble, sit down, be humble, bitch, sit down, be humble, sit down. Who that nigga thinking that he frontin' on that man? Get the fuck off my stage, I'm the Sandman. Get the fuck off my dick, that ain't right. I make a of your whole life. I'm so fucking sick and tired of the Photoshop. Show me something natural like Afro with your pride. Show me something natural like ass with some stretch marks. Still a take you down right on your mama couch in polo sock. Ay, this shit way too crazy. Ay, you do not amaze me. Ay, I blew cool from AC. Ay, Obama just paged me. Ay, I don't fabricate it. Ay, most of y'all be faking. Ay, I stay modest about it. Ay, she elaborated. Ay, this that Grey Poupon, that Avion, that TED Talk. Ay, watch my soul speak, you let the meds talk. Ay, if I kill a nigga, it won't be the alcohol. Ay, I'm the realest nigga after all. Bitch, be humble. Hold up, bitch. Sit down. Hold up, be humble. Hold up, bitch. Sit down. Be humble. Bitch, sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Bitch, sit down. Be humble. Sit down. En plein débat. En plein débat sur. On savait pas qu'on était coupé, ouais, merde. Désolé. Donc on vous parle de Rebirth, le nouveau relaunch de chez DC. Et bon, on va enchaîner avec c'est Thomas, ouais. Thomas. Bon, Thomas, tu veux nous parler de Justice League 52 et Justice League Rebirth. On va essayer d'aller un peu plus vite que tout à l'heure. Du coup, ça nous présente un Lex Luthor qui reprend le rôle de Superman parce que comme nous l'a dit Johnny, Superman est mort. Et donc du coup on a droit à ce nouveau Superman, à ce Lex Luthor qui a le costume de Superman. Et maintenant Lex Luthor est un mec plutôt sympa. Et il est le chef d'Apocalypse. Voilà, il y avait des trucs que je connaissais pas très bien. What? Mais oui, il a pris la place de Darkseid, puisque Darkseid est mort aussi. What? Ok. En fait, tout le monde est mort. Au scénario, on a Dan Jurgens et au dessin, on a Tom Grumet. Mais Dan Jurgens, c'est pas un dessinateur à la base? Si, je crois que tu fais les deux, non? Il y a la possibilité. Du coup, ce qui est bien, moi, ce que j'ai bien kiffé, c'est. Parce que Lex Luthor, c'est un perso qui peut un peu changer selon les temps. Ouais. Par exemple, dans le film avec Christopher Reeve, c'est juste un savant fou bizarre. Et puis, des fois, c'est juste un mec qui veut essayer de faire le bien. Mais, ouais, dans voilà. Celui de Richard Donner, c'est juste un bandit un random. Ouais, voilà. Et là, en fait, on voit que voilà, il veut utiliser son cerveau à des bonnes fins. Et c'est ça qui est intéressant avec ce personnage un peu de Lex Luthor, parce que en vrai il est pas forcément, enfin dans certains récits que j'ai lu en tout cas, il est pas, par exemple dans le truc où Superman est né en Russie, Redson. On voit que Lex Luthor, s'il veut tuer Superman, c'est qu'il a ses raisons en fait, oui. Et que c'est un peu comme dans, par exemple, enfin j'ai pas aimé ce film BVS, mais Superman, mais voilà, c'est, allez, c'est reparti. Parce que Superman c'est une menace, il, et c'est pour ça que Lex Luthor non mais il a juste des quotas de Jean-Merde James avec BVS à chaque non, fois non, non, il mais faut là je dis un truc bien, je dis ouais, parce que Superman en gros c'est une menace parce qu'il a plein de pouvoirs et c'est la raison de pourquoi Lex Luthor veut le tuer, mais... et maintenant qu'il est plus là, Lex Luthor il se dit ah merde, j'ai peut-être fait un peu de la merde. Et il essaie de reprendre l'héritage de Superman. Après, pour certains, ça peut paraître un peu confus. Après, depuis Forever Evil, il est du côté des gentils, ouais. Donc, Du coup, j'ai pas tout suivi à l'histoire. Donc, c'est pour ça, c'est la partie un peu mauvaise. Mais ouais, bon, pour ceux qui suivent l'histoire d'ici, du coup, ils seront calmes. Mais pour les nouveaux, ils vont se faire waouh. Ils vont pas comprendre. En tout cas, moi, ça, j'ai pas compris. Mais en tout cas, fallait peut-être lire le petit éditorial avant qu'il expliquait. Ouais, voilà. Ouais, y a toujours le petit éditorial pour trouver. Ça reste simple d'accès après. C'est juste que j'étais étonné de voir Lex Luthor gentil. Ouais. Mais bon. Voilà, donc c'est un récit, je pense que c'est plus pour ceux qui suivent bien. Mais le récit sympa, moi je trouvais ça. C'est sympa pour. Ouais, pour c'est sympa. On va passer à Justice League normal. Enfin, voilà. Oui. Justice League, du coup, c'est Brian Hitch qui fait dessin et scénario. Et du coup, ça m'a fait penser beaucoup au Justice League New 52 aux origines, parce que genre c'est la Justice League qui se bat contre une putain de grande menace dès le premier épisode et on a pas le temps de comprendre pourquoi, mais en gros il y a une putain de grosse menace qui arrive et ils doivent gérer tout ça. Et de l'autre côté on va traiter aussi la mort de Superman. En tout cas j'ai l'impression vraiment que la mort de Superman est vraiment centrale dans DC Rebirth. Ça a traumatisé tout le monde, ouais, en fait. Et du coup, comme l'avait dit Juni, il y a ce nouveau Superman qui arrive, et du coup chacun fin parle un peu de pourquoi il est là, est-ce qu'on doit l'accepter ou pas, et je trouvais ça vraiment intéressant et bien fait. Après les dessins de Brian Hitch, je suis pas fan, enfin, parce que moi j'aime plus le style en mode Jim Lee sur Justice League, et je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plein de titres qui sont vraiment en mode stylisé Jim Lee, j'ai trouvé. Oui, c'est très propre, c'est très... Ouais, et là du coup j'avais pas l'habitude, mais en tout cas ouais, c'est un bon récit, c'est dynamique, c'est simple d'accès, et puis c'est bien expliqué, et du coup pour les nouveaux autant que pour ceux qui suivent, bah je pense que c'est très bien. En tout cas moi j'ai bien aimé. Et on va passer à Juni. Ouais. Tu viens nous faire... Attends, maintenant je laisse plus choisir. Aquaman. Aquaman. Tu veux pas faire Flash et Blue Beetle? Non. C'est les deux trucs un peu nuls. Aquaman. Et puis j'insiste énormément sur Aquaman. Vas-y Aquaman. Ça c'était mon préféré au final. Et alors en fait, le truc c'est que l'un des éléments importants d'Aquaman, on va dire au niveau du public, c'est que personne n'a de respect pour Aquaman. C'est extrêmement... Ce qui est totalement faux parce qu'il est trop cool. Et c'est extrêmement injuste. Et, finalement, et du coup, en fait, ce bouquin-là, cette introduction en fait à Aquaman, c'est présenter le personnage donc en tant que roi, en tant que qu'être humain et Atlante en même temps. Et le truc c'est qu'ils ont incorporé justement des éléments de son image dans le monde réel, c'est-à-dire en tant que personnage, ils l'ont incorporé en tant que personnalité publique dans leur univers. Donc Aquaman est roi de son propre pays, mais en même temps les gens sur Terre soit le considèrent comme un peu la grosse blague parce que entre guillemets il parle aux poissons, et justement ils expliquent non, il parle pas aux poissons, il a un pouvoir de contrôle sur les poissons, machin truc, enfin c'était très sympathique. Et justement ils disent la majorité des gens n'ont jamais eu l'occasion de voir à quel point en fait c'est épique les pouvoirs qu'il a et le contrôle qu'il a sur des créatures absolument gigantesques. Et le gros intérêt finalement c'était surtout au niveau de présenter les enjeux personnels du personnage, c'est-à-dire ce qui m'a surtout marqué en fait au final c'était que c'est un métis, donc ne serait-ce que étant donné que je suis un métis aussi, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est-à-dire que il est de deux mondes différents et il doit jongler justement la pression de ce que c'est qu'être un être humain en étant à moitié Atlante et comment les êtres humains te voient, et le fait d'être à moitié humain et comment les Atlantes te voient, et gérer les tensions politiques entre les deux groupes, et ça plus ce combat de monstres et terroristes aquatiques et trucs de ce style. Mais en fait il est rejeté des deux côtés et c'est un peu ça. C'est bon, je pourrais partir sur une énorme description de ce que c'est qu'être un métis pour le coup, mais j'ai trouvé ça très sympa la manière dont ils ont réussi à représenter ça. C'était un peu entre les deux mondes et à la fois tu pourrais rentrer dans les deux, mais c'est pas totalement le cas, c'est extrêmement bizarre, et j'ai trouvé ça très intéressant comme angle de... Ouais, le titre est vraiment... L'approche. Ça me fait penser un peu à Justice League tome 3, truc sur Atlantis là. Ah, From and Atlantis. Ouais, ça j'avais beaucoup aimé. Bah du coup, ouais, ils ont rendu le personnage beaucoup plus intéressant, badass, ouais. Je trouve, maintenant. Ouais, cool. Mais est-ce que c'est pas pour se rapprocher du futur film, peut-être? Peut-être. Bah, en tout cas, il a pas le même style. Le Aquaman du prochain film, là, on dirait une espèce de genre Thor, mais encore plus sale et encore plus bourrin et en genre à casser des bouteilles de whisky. Celui-là, non, il était extrêmement royal, justement. Il y avait beaucoup il y avait beaucoup de respect. En fait, il inspire le respect. À la manière dont il se tient dans cette BD, tu sentais vraiment le gars qui avait envie de faire bien. Et il y avait même une petite scène avec sa femme qui était touchante, j'ai trouvé ça super. En plus d'introduire Aquaman, ils introduisent le Mera, tout le côté parce qu'on Atlante. Le voit avec d'autres Atlantes. Ouais. Et j'ai trouvé ça sympa le fait qu'il fasse dans le titre, on voit il fait une ambassade de Atlantis sur à côté d'une côte à la surface, donc ça c'est une bonne idée. Ils insistent bien sur un élément qui est aussi très intéressant chez Black Panther ou Black Bolt, qui sont des rois aussi, c'est-à-dire l'angle. Je suis pas juste un super-héros, je suis un roi, j'ai une responsabilité par rapport à mon peuple. Je dirige mon pays. Voilà, et ça, c'est un angle que j'ai toujours aimé, et là, je trouvais bien qu'ils le prennent en compte aussi. Donc, comme base, je trouve ça plutôt sympa. Après, je sais pas si ça va être conduit dans le reste de la série, mais c'est bien parti. Ouais, moi aussi, ça m'a donné envie de lire la suite. T'en as jeté un coup d'œil aussi, Aquaman. T'avais pas trop aimé, non? Bah, je suis pas fan d'Aquaman en fait. Ok. Je suis désolée, hein, mais. Bon, bah, on va passer à un autre titre à toi. Mais j'ai un titre qui m'a plu, je peux en parler. Vas-y. Ouais. Bah, je vais parler de Green Arrow. Ah oui, c'est vrai, c'est cool, Green Arrow. Ouais, alors au scénario, Benjamin Percy qui a bossé sur Teen Titans apparemment. Et au dessin, alors Otto Schmidt, c'est ça, je pense bien. Ouais. Qui aurait fait du Gardien de la Galaxie apparemment, ce que j'ai vu. Je le connais pas. C'est super joli. Voilà, alors en fait l'histoire c'est qu'on a Green Arrow et Black Canary, merci, qui en fait vont devoir faire équipe ensemble pour enquêter sur des petites disparitions de gens pauvres. Et là où c'est intéressant, c'est que ces deux personnages là avant apparemment ils avaient une vie, ils étaient mariés ouais. Ensemble et tout, merci de me couper. Excuse-moi. Et en fait là ils ont tout oublié, et quand ils se voient, et bah, ils sentent qu'il y a un truc entre eux et tout, mais ils savent pas quoi. Et ce qui m'a plu justement dans l'histoire, c'est cette relation entre les deux persos, les petites piques qui s'envoient, comment ils fonctionnent ensemble. Je trouve que ça fonctionne super bien. J'ai beaucoup aimé ce duo. Après, ce qui m'a un petit peu gêné, où je mettrais un petit bémol, c'est qu'à un moment il y a tout un truc genre ouais, toi t'es riche, tu fais si que t'es des pauvres, puis après t'es chez toi tranquille. Enfin, genre un truc moralisateur qui était un peu too much, qui était un peu trop haro la série. Mais sinon, c'était sympa. Après, au niveau du dessin. Quoi, James ? Je voulais dire, en fait, ils font ça pour expliquer pourquoi ils font ça. Oui, en parce fait, qu'il y a des pauvres qui ont disparu et ils les cherchent. Non, mais pourquoi ils montrent en avant, ils mettent en avant ce côté, oui, t'es riche, nanana, oui. C'est parce qu'ils veulent le différencier par rapport à Batman. Green Arrow, c'est vraiment le justicier social, en fait, qui va aider les gens un peu plus pauvres que lui et qui met son fric en avant pour... je pense que c'est pour le différencier avec Batman, mais c'est, d'avoir ce côté social. Faire, tu pouvais le faire de façon plus intelligente et pas appuyé pendant plusieurs cases. Pendant 30 ans, genre. Ouais, non, enfin, je trouve ça marrant. Enfin, ça cassait un peu le truc. Après, juste, pardon, pour les archives, James a levé la main pour parler. Ouais. Juste ouais. Et juste, je voulais juste faire un petit truc sur les dessins parce qu'il y a quelque chose qui m'a gêné. C'est vrai que les dessins, on va avoir donc Green Arrow et sa meuf qui vont être super mal dessinés. Mais les pauvres, eh ben, ils sont super mal dessinés. Genre, les visages sont faits vite fait. Des fois, ils sont très brouillons, on voit à peine leur visage. C'est des pauvres. Je trouve ça dégueulasse, quoi. C'est la populace, c'est la plèbe. Mais c'est ça, mais tu le sens trop. C'est genre, c'est des pauvres, ils sont pouilleux. Bon, on va pas les dessiner. J'ai kiffé le dessin, je trouvais vraiment que c'était sympa. Bah, après, sur Green Arrow et sa chérie, ça, je sais pas le perso, Black Canary, ils ont un côté distingué, il a un côté un peu Robin des Bois, justement pour appuyer encore plus ce côté social, machin chose. Ça fait, voilà, ça fait rétro, ça passe, mais les pauvres, sérieux, c'est bon, les gens qui sont pauvres, arrêtez. Enfin bon, voilà. Bon, mais le titre est sympa. Le titre est sympa, ouais, le très titre court, est cool. Trop court, mais sympa. Moi, je vais vous parler de deux titres qui se ressemblent vachement au final. C'est Redwood and the Outlaws et Batman Beyond. Alors, Redwood and the Outlaws, c'est scénarisé par Scott Lobdell et au dessin c'est Dexter Soy. Donc en fait ça va vous présenter un peu je sais pas pourquoi ils ont appelé le titre Redwood and the Outlaws parce qu'au final on voit que Redwood et Batman et parce en fait que c'est que le numéro 1. Ouais, c'est que le numéro 1 ouais, du coup. En fait, ils vous présentent Jason Todd. Bon, pour les gens qui ne savent pas, Jason Todd, c'est un ancien Robin qui s'est fait tuer par le Joker et qui est revenu et qui a pris l'identité de Redwood et qui est extrêmement violent. Voilà, et qui a des méthodes un peu violentes. Qui a pas la même morale que Batman. Voilà, exactement. Et en fait, on voit Redwood qui essaie de s'infiltrer dans un gang de Gotham et Batman qui arrive et qui lui pète la gueule et qui dit ah mais non, j'aime pas comment tu fais nanani nanana. Et en fait, tu comprends que en fait, il fait ça parce qu'il essaie d'infiltrer le gang et qu'il essaie de donc c'est et t'as Batman qui lui dit ah oui mais faut que tu fasses gaffe et tout ta moralité nanani nanana. Donc voilà, c'est un peu c'est pour présenter le personnage. C'est un bon une bonne façon de présenter le personnage. Si vous connaissez, c'est intéressant. Si vous connaissez pas Jason Todd, si vous connaissez Jason Todd, bah c'est juste un. Si vous connaissez pas, lisez l'énigme du Red Hood. Voilà. Sorti chez Urban aussi. Je ne l'ai pas lu, mais lisez-le aussi. Ouais, non, mais c'est génial. Si Tom, regardez l'animé au pire. Ouais, Batman and the Red Hood, c'est. Ouais, il est très bien. Il est très cool. Ouais. On va enchaîner avec Batman Beyond Rebirth. Alors pour les gens qui ne sauraient pas qui est Batman Beyond, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai fait sur le sur le sujet où je parle de Gotham Central aussi. Au pire, regardez des dessins animés, c'est mieux. Ouais. Donc c'est un personnage qui a été créé dans le dessin animé de Bruce Timm et je crois qu'il y a Tim Sale aussi. Paul Dini, ouais, excusez-moi. C'est Batman dans le futur où Bruce Wayne ne peut plus porter le costume parce qu'il est trop vieux et après des concours de circonstances, c'est un petit jeune nommé Terry McGinnis qui va récupérer le costume. Et là, en fait, dans Batman Beyond Rebirth, on nous représente Terry McGinnis qui récupère le costume après que Tim Drake l'a eu pendant tout Future End, qui est l'ancien event autour de Batman Beyond. Et on nous représente Terry McGinnis qui n'a plus de Batman avec lui, enfin plus de Bruce Wayne, parce que normalement Bruce Wayne est un peu comme Oracle, il lui soufflait tout ce qu'il devait faire. Là il est tout seul et il va devoir gérer avec le retour d'un personnage dont je ne vous souhaiterai pas la personne. Joker. Voilà, le retour du Joker. Non, je l'ai pas lu. C'est le retour du Joker dans l'univers de Batman. je m'y attendais. Je sais que Juni l'a lu et que Faye l'a lu. Est-ce que vous l'avez tu l'as non. Non. Faye, bah, si on aime voilà Batman Beyond, on peut que... Ouais. En plus les dessins de Ryan Sook sont vraiment cool. Juni, t'en as pensé quoi? Il y a rien d'extraordinaire dedans, mais c'est une bonne introduction au perso, à résumer qui il est, comment il a commencé sa vie, parce qu'en fait l'essentiel du chapitre c'est ça. Et une fois que les bases sont placées, le concept a l'air sympa en fait. Ouais, moi aussi ça me donne envie de lire la suite. Comment dire, après pour ceux qui connaissent pas Batman Beyond, c'est un peu comme imaginer Spider-Man, mais s'il était devenu Batman à la place après Bruce Wayne. Parce qu'il y a beaucoup... ça me fait penser à Spider-Man 2099. Ouais, il y a un peu de cet aspect là, c'est-à-dire que c'est un jeune avec un petit sens de l'humour et il récupère le costume après Bruce Wayne, mais il a une vie sociale beaucoup plus proche de celle de Peter Parker que celle de Bruce Wayne. Donc en fait faut pas s'attendre à se retrouver avec un clone de Bruce Wayne. C'est plutôt un Spider-Man en fait à beaucoup d'égards. Et en plus il a des méthodes beaucoup plus expéditives que Bruce Wayne au final. Ça dépend. Ben, il a jamais tué personne. Généralement il est plutôt soft. Et il a même comment dire, il a plus de compassion que Bruce Wayne en général. Bruce est assez violent. Moi je l'avais vu comme quelqu'un d'un peu plus violent, mais au final ouais. Surtout ouais, il y a aussi. En même temps c'est Batman. Moi je vois pas comme ça quoi. Okay. Il y a l'autre argument aussi qui est que Bruce Wayne, enfin pour la série animée, Bruce Wayne est là aussi pour ceux qui la connaissent pas. Il est devenu vieux et aigri. Il est plus Batman depuis très longtemps et. C'est une continuité de la série animée Batman qui passait dans les années 90 et justement de voir l'évolution de Batman en tant que vieux, qui a plus de famille, qui a plus d'amis, qui a rien. Il est un peu désœuvré dans Batman. Il est extrêmement aigri et c'était cool justement de voir arriver ce petit jeune qui lui change son quotidien, c'est très sympa. Mais la série New 52 elle est vraiment cool, notamment parce que ce qu'il n'y avait pas dans l'animé, on le retrouve, il retrouve des personnages un peu emblématiques de l'univers de Batman, notamment on voit ce qui est devenu Dick Grayson qui apparaissait pas dans l'animé. On voit aussi Tim Drake, on le voit je crois dans un film. Ah non, c'est Jason Todd qu'on voit dans le... C'est Team qu'on voit. Ouais. On revoit du Team. Donc moi je la conseille, elle est vraiment sympa cette série. Et voilà. Et ben on va passer à Mathieu. Tu veux faire Green Lantern et Green Lantern Rebirth en même temps? Allez, c'est parti. Alors Green Lantern, c'est donc la potion cosmique de DC Comics. Il y a deux titres donc qui sont sortis Rebirth. Le premier Green Lanterns avec un S, scénarisé par Geoff Johns, grand Geoff Johns, qui a apporté énormément à la mythologie Green Lantern, qui a fait du Aquaman, du Flash, et qui s'occupe du DC Universe au cinéma. Maintenant. Et qui est le dieu universel qui va sauver DC Universe au cinéma. Et sa sœur. Mais il a pas empêché le divorce de Ben Affleck. Ah mais c'est marié avec Ben Affleck, je crois. Enfin, je sais pas, on verra. Et alors bon, lui, il est là que pour un titre, en fait, c'est Sam Humphries qui va prendre la suite, hélas, parce que lui, il a fait du Uncanny X-Force il y a quelques temps, qui était pas génial. Ah, c'est pas génial. Et là, je crois qu'il est sur Star-Lord chez Marvel aussi, en ce moment, en VF, donc le mec des Guardians. En gros, le plot, c'est qu'il y a deux Green Lanterns récents qui sont sur Terre, qui sont Simon Baz, qui a la particularité d'être musulman, et Jessica Cruz, qui a la particularité d'être latino, en plus d'être Green Lantern. Et d'avoir été... C'est celle qui vient de Forever Evil. Je sais pas d'où elle vient celle-là. Ouais, peut-être. Elle vient de Forever Evil. Elle avait un anneau, mais c'était pas un anneau de Green Lantern à la base. C'était un anneau qui prenait la douleur en fait. Ah d'accord. Et ils lui ont donné un anneau de Green Lantern. Ouais, parce qu'on a l'air assez social en plus. Et ouais. Donc le principe, c'est alors ces deux Green Lanterns qui restent sur Terre, qui peuvent pas trop se piffer, grosso modo, et que Hal Jordan, donc le monsieur Green Lantern, le chef des Green Lanterns, enfin l'emblématique on va dire, force à travailler ensemble et ça se passe pas très bien parce qu'ils ont aucun sens du travail en équipe. Mais Hal Jordan, il a plus de bague. Si, il s'en est fabriqué une. Ah ok. Décidément. Tout seul. Ouais, non mais ça croit que tu peux faire ça dans ton garage, hein. Tranquillou, il était. Ben justement, c'est dans celui d'après. Le numéro est assez habile en termes d'introduction. Ça se prend pas la tête avec les 50 ans de mythologie Green Lantern. Ça reste sur Terre. Ça présente rapidos les persos. Ça envoie d'entrée de jeu des informations sur ce qui va se passer après, sur une espèce de fil rouge autour d'un gardien mystérieux, ce genre de choses. C'est assez solide. Pour avoir lu la suite, moi je me suis un peu fait chier parce que mine de rien, il y a pas trop énorme. Il se passe pas grand chose non plus. Derrière, et notamment le côté musulman et latino n'est pas vraiment utilisé, du coup c'est pas terrible, on s'ennuie un peu. Les dessins, c'est Ed Benes, c'est pareil, c'est cool, c'est plutôt Jim Lee, et ce fameux Ethan Van Sciver qui est lui beaucoup plus agressif. Donc c'est sympathique, mais moi c'est pas vraiment ce que je recherchais dans une Green Lantern, donc vaut mieux taper sur le l'autre, Hal Jordan et une Green Lantern Corps, qui lui est vraiment cosmique. C'est Robert Venditti qui est au scénario, qui est aux manettes de l'univers Green Lantern depuis déjà 6 ans, depuis je pense 5-6 ans, depuis puis New 52 un peu après. C'est une très bonne introduction parce qu'en quelques pages, ça t'explique en gros ce que c'est que le Green Lantern Corps. Ça fait le point de sa situation, c'est-à-dire que le Green Lantern Corps, cette fameuse police de l'espace, a complètement disparu. Sinestro, leur plus grand méchant, dirige en gros la nouvelle force. Pourquoi il est vieux maintenant ? Il est vieux parce qu'il a énormément donné d'énergie à son Warlord, à sa base, pour pouvoir faire fonctionner, et à tout son Yellow Lantern Corps. D'accord. Parce que lui, il est responsable du Yellow. Parce que j'ai commencé à lire des trucs et je crois que je dois avoir 50 numéros en retard. C'est sur très bien, la série Sinestro No 52 de Cullen Bunn, c'est très bien. Et ben, moi, j'ai complètement perdu. De toute façon, il redevient jeune au bout de 4 pages. Ah, d'accord. Voilà. Et Jordan, qui a Hal Jordan, le fameux Green Lantern, qui a fusionné avec la force, enfin avec la volonté. La volonté, voilà. Je savais pas que ça avait un rapport avec Star Wars. C'est tout un rapport avec Star Wars. Surtout du cosmique. Lui-même un anneau. Et donc, voilà, c'est une grosse introduction sur ce qui va se passer. C'est bien pétard, c'est popcorn. Est-ce que tu vas lire les deux titres? On va faire vite, puisqu'il y a... Alors, Green Lantern, le premier, j'ai continué, j'ai arrêté, parce qu'effectivement, les Green Lantern sur Terre, ça m'intéressait moyen, et le traitement des personnages n'était pas génial. Hal Jordan et Green Lantern Corps, je continue de lire, c'est festival. Ça part dans tous les sens, mais c'est génial. Il y a tous les personnages qui reviennent. En fait, toi, t'es très fan de l'univers cosmique d'ici. Ouais, j'aime bien. Et là, pour le coup, c'est popcorn, ça se prend pas la tête, tu lis ton truc, c'est vraiment cinéma, ça envoie du pâté. Faut connaître un petit peu la mythologie, faut faire un poil de Wikipédia si vous connaissez pas, mais c'est assez cool. Ok, bon, on va enchaîner très très vite parce que en fait il nous reste 10 minutes pour finir. Thomas, tu n'avais plus de titre, je crois. C'est Cyborg. Cyborg, oh, tu vas nous dire en deux mots si tu as aimé Cyborg et pourquoi il faut le lire ou pourquoi il faut pas le lire. Ouais, non, mais ça va, je peux le faire vite. Oui, non, mais genre en une minute. Et sans spoiler. Ok, t'inquiète, sans spoiler. Cyborg, écrit par John Spencer, et on a Paul Pelletier au dessin. Donc, du coup, ça revient vite fait aux origines de Cyborg. Donc, du coup, c'est plutôt accessible pour les nouveaux lecteurs qui connaissent pas très bien le personnage. Et en gros, c'est un personnage qui parle pas mal du transhumanisme, c'est-à-dire quelle est la différence entre l'homme et la machine, un peu en mode Robocop. Et on aborde pas mal ce sujet qui est souvent repris avec Cyborg et qui là est assez bien traité aussi, mais c'est surtout pour les nouveaux, quoi, parce qu'on revient sur ses origines, ouais, à plusieurs reprises, et avec les rapports avec sa famille, tout ça, et on a l'impression, enfin il y a un grand méchant qui va arriver là apparemment, ouais, qui nous est teasé, que je connais pas du tout, mais ça a l'air plutôt intéressant. T'as envie de lire la suite? Ouais, franchement, j'ai bien envie de lire la suite. Je sais pas si je l'achèterai, ça dépend dans quel mensuel il se situe, mais en tout cas, moi c'est pas mal. Je pense que je lirai la suite, ça avait l'air sympa. On va enchaîner avec Juni qui a. Qui nous restait quoi? Flash et Blue Beetle. Bah, vas-y, pareil, en une minute si tu veux lire. Alors, Flash, ça reprend. Bah, Flash, il est en activité depuis un petit moment maintenant et fait partie de la Justice League, tout ça. Et dans ce chapitre-là, ça commence avec un crime d'une femme qui s'est fait assassiner, plus ou probablement par son mari, mais en fait, c'est exactement comme le jour où Barry, donc Flash, a perdu sa propre mère. Et il y a toujours cette question, parce que le gamin qui a assisté au nouveau meurtre dit « Ma mère a été tuée par un monstre ». Comme lui à l'époque, en fait. Et on s'ensuit ensuite toutes sortes de visions où il voit le fameux Wally West dont on parlait tout à l'heure, qui revient d'entre les morts, et il le libère de la Speed Force en le touchant. Et retrouvailles entre deux amis qui se rendent compte qu'ils ont perdu 10 ans de leur vie, qui sont un peu partis dans la nature et personne ne sait où elles sont. Et du coup, ils mènent l'enquête pour essayer de comprendre où sont passés ces 10 ans dont personne sur la Terre ne se souvient. Et ils commencent une enquête avec Batman. Et en fait, ça s'arrête là, quoi, c'est mis en place. Et Blue Beetle, c'est là pour le coup, c'est Jamie Reyes, c'est un gamin latino-américain qui doit avoir 14 ans, quelque chose comme ça. Il est au lycée, il a un scarabée magique collé sur le dos. Extraterrestre. Non, magique, il le précise dans le bouquin. Ah, et, ouais, ouais. Et même dans l'event en lui-même. Et du coup, donc il a un scarabée en fait qui se transforme en armure sur tout son corps et qui lui permet de créer des armes un peu comme de la nanotechnologie, c'est-à-dire qu'il pense à un canon et il y a un canon qui se manifeste sur son bras par exemple, et il s'en sert pour combattre les méchants avec l'aide d'un scientifique qui bosse, qui appartient à une grosse compagnie un peu à la Tony Stark, j'ai l'impression, je connais pas très bien, mais en fait c'est de la bande dessinée très sympa, en fait c'est très teen, c'est à dire que c'est très pour les ados, c'est un truc que tu lis rapidement, c'est de l'aventure sympathique genre dessin animé du samedi matin, et je trouvais ça très sympa, c'est à dire que c'est le genre de bouquin que j'achèterais pour un petit peu de fun pendant 10 minutes. Non, moi j'ai pas trop aimé Beetle. Moi j'ai pas aimé. Ah ouais? Bon bah je suis le seul à pas avoir kiffé. Et est-ce que t'as kiffé Flash ou... Flash, le dessin se fait détacher pas mal. parce que c'est mélange entre du dessin à la main pour les personnages et du dessin à l'ordinateur pour les fonds, ouais, pour les décors et tout ça, et du coup c'est très bizarre, mais il dessine bien Flash. Cela dit, je sais pas s'il va rester sur le reste de la série, mais là a priori non, ça me motiverait pas nécessairement à acheter. Ce que j'ai compris par contre, Flash faudra le lire pour comprendre ce qui se passe. Oui, parce qu'il va y avoir un crossover avec Batman, s'appelle The Button, ouais, autour du autour de l'univers de bah, du coup l'espèce de truc à la Watchmen. Ouais, voilà. Ouais. Qu'est-ce qui se passe vraiment, où sont à mon avis, bah, ça sera l'une des séries à devoir suivre. Ok, Faye. Oui, alors rapidement, t'inquiète pas. Alors Supergirl, c'est nul. En gros, Supergirl, elle a plus ses pouvoirs. Elle va dans le soleil pour les récupérer. Et pendant ce temps-là, il y a un groupe dont ses parents adoptifs font partie qui sont attaqués par un loup-garou de Krypton. Donc c'est vide, c'est ridicule. Et les dessins, en gros, toutes les filles se ressemblent. Et on a des personnages qui prennent 20 ans d'un coup de case en case, on sait pas pourquoi. Voilà. D'accord, t'avais que Supergirl. Et j'avais Teen Titans. Ah, Teen Titans, c'était génial. Non, Teen Titans, c'est très mal écrit pour moi, à savoir que la fin est intéressante, mais elle aurait dû se trouver au début et on aurait dû partir sur autre chose. C'est-à-dire que là, on a chaque personnage qui vont se faire enlever à tour de rôle et à la fin, on va voir par qui. Et en fait, c'est super vite tout le truc, c'est long. Et la partie qui est intéressante, j'aurais voulu que ça commence par ça et qu'après, on ait l'histoire qui commence à découler, histoire de faire saliver le lecteur. Mais en fait, pour et le là, spoil, c'est... Non. Non, je ne spoilerai pas. Je ne spoilerai pas, vous ne m'entraînerez pas dans ce terrain, James. Moi, je peux spoiler, le Joker. Voilà. Non, bref, c'est pas le Joker. Bref, c'est décevant ce premier numéro, mais je pense qu'avant de juger sur celui-là, il faut quand même lire la suite. Mais Supergirl. Moi, je trouve ça très cool. Bon, bah, Titan, c'est un personnage, on ne dira pas le nom, qui veut réunir une équipe et qui réunit son équipe. Ils auraient dû commencer direct par ça. Je suis désolée. Ouais, voilà. Moi, je trouvais ça vraiment cool. Les dessins sont vraiment très sympas d'ailleurs. Voilà. Moi, il me reste Batman et Nightwing, dont Nightwing, bah, c'est la présentation de qui est Dick Grayson. Et en fait, on va parler avec plein de monde parce que. Depuis Forever Evil, il avait perdu son costume. Il n'était plus Nightwing, il était juste Grayson, puisqu'il était censé être mort. Et là, on le voit parler avec plein de gens de son entourage et se questionner sur sa vie, tout ça, qu'est-ce qu'il va faire. Et au final, il va récupérer son costume de Nightwing pour redevenir Nightwing. C'est très cool. C'est dessiné par Yannick Paquette et Yannick Paquette, c'est assez joli. Donc, vous pouvez y aller. C'est bizarre, j'ai eu un peu de mal avec le titre qui suit. Donc, c'est Batman. Donc, c'est scénarisé. Le dernier numéro de Scott Snyder avec Top King, donc ils ont fait ça à deux, et c'est dessiné par Michael Janin. J'aime pas trop Michael Janin, il était sur Justice League Dark. Que j'avais pas trop aimé, et il était sur Grayson aussi, qui était sympathique. Je trouve ça plutôt bien. Ah ouais, de toute façon c'est David Finch qui dessine après la série principale. Ok, bon bah David Finch j'aime bien. Mais pourquoi il fait le premier numéro? Je sais pas. C'est pas ouf ce qui se passe, quoi. C'est Batman qui a repris son costume, puisque si vous suivez la série Batman, c'est Bruce Wayne qui récupère son costume. C'était plus Bruce Wayne qui avait le costume depuis un moment. Il le récupère et en plus il va avoir un nouvel acolyte. En plus, t'as le diable en bouteille en t-shirt actuellement. C'est la bière. Effectivement. J'aurais pas dû boire avant de. Donc, et c'est Duke Thomas qui, si vous avez lu We Are Robin, c'est un des personnages principaux de cet event, dont les deux parents ont été contaminés par le venin du Joker et qui va devenir une espèce de nouveau Robin. Je sais pas, il s'appelle pas Robin, il a un autre nom, je sais plus ce que c'est. C'est pas un oiseau, un truc comme ça. Ouais, sûrement, ouais. C'est avec un costume jaune, non? Ouais, jaune, pas très beau. Ah ouais. En plus, tu regardes en mode waouh, c'est trop classe, mais non. Il doit avoir un poussin. Hein. Ouais, je dis putain, mais c'est un Power Ranger. C'est le bas de poussin. Enfin, du coup, bah non, c'était pas foufou. Après, c'est peut-être dû au fait que j'adorais Scott Snyder et Greg Capullo, et de plus voir Greg Capullo sur Batman, ça me fait un peu mal au cul. Mais c'est pas grave. Qui a lu Batman autour de la table? Moi, j'ai tout le monde a lu Batman? Non. Non. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il est pas mal, mais à la série principale après, moi je me suis fait chier. J'ai laissé le petit numéro. Ouais, I Am Gotham, c'est une espèce de Superman. J'aurais peut-être pas dû parce qu'il a l'air d'avoir un fil rouge très important, mais ça m'a saoulé. Ah, okay. Tu me fais peur parce que j'allais dire, ouais, il faut attendre de voir plusieurs numéros, mais. J'en ai fait 6. Après, j'aime pas Tom King, donc. Ouais, c'est un peu chiant. Moi, je trouve ça. Ouais, enfin, c'est qu'un numéro en fait, c'est difficile de juger. Il n'y a pas, oui, y a sûr, pas assez sûr. D'éléments, il n'y a vraiment rien. En tout cas, je connaissais pas ce genre de nouveau Robin là, mais il a l'air sympa. Ok, bon, on va finir sur ça. Est-ce que on va finir sur un peu de dernier tour notable? Est-ce que vous conseillez le bouquin quand même? Pas forcément le... Enfin, si, ouais, pour se faire une idée, mais... Enfin, après, moi, ce que je conseille vraiment, c'est de lire Rebirth, l'événement principal, si vous voulez débuter. Et ben, il sera dans le premier Justice League... je sais plus comment il l'appelle. Est-ce qu'il y aura une version numérique de ce bouquin qu'on a lu ? Numérique, je sais pas. Parce que, tu vois, je dirais plus aux gens de prendre une version numérique, ça serait peut-être moins cher. D'acheter les scans, enfin, de prendre les scans, en fait. Non, pas de prendre légalement. Je veux dire, c'est des versions... D'accord. Déjà que Urban est gentil avec nous... Allez, regardez les scans maintenant. Non, c'est pas ça que je dis, mais des fois il y a des trucs qui les font en version numérique. Mathieu, est-ce que tu penses que ça vaut ces 35€? Je pense, ouais, ça fait un gros truc de lecture, ça permet d'avoir quand même beaucoup de lectures différentes. Et je rajoutais par contre, c'est dommage, ils ont pas mis Detective Comics, que moi je conseille pour le coup, qui est pas forcément dans le Rebirth, qui est scénarisé par James Tynion IV, qui est une équipe de, gérée par Batman avec Batwoman, Orphan, Spoiler, Red Robin et Clayface, et ça par contre je suis encore en train de le lire, c'est génial. Ok, Johnny, qu'est-ce que t'en as pensé sur le ce que t'as lu? Si vous y tenez vraiment, ouais, achetez-le, mais a priori, c'est vraiment le type de truc où j'aurais tendance à dire, tu lis un résumé Wikipédia, c'est à peu près la même chose, niveau contenu, on va dire. Et puis ensuite, ça te permet d'avoir une idée de ce que tu veux suivre comme série, en gros. Du coup, je suis pas... Personnellement, je l'aurais pas acheté. Parce, okay. Parce que c'est que de la mise en place pour chaque personnage. Oui, bah oui, c'est que mais, ça. Mais ça peut donner envie de lire d'autres séries ensuite. Disons qu'en fait, j'aurais vraiment vu ça comme un truc gratuit à la limite. Gratuit, ça fait beaucoup de peur pour un truc gratuit. Ouais, non, mais des fois, ils font des putains d'anthologies. Ouais, aux États-Unis, ils vendent tous ces trucs-là séparés en fait. Du coup, à la limite, tu lis les trucs qui t'intéressent, les personnages qui t'intéressent. Mais là, comme c'est vendu tout en même temps, c'est un peu. Mais des fois, Urban, ils font des formats. On va arrêter, il est 57. Des formats gratuits, mais. Très cool. Oui. Bon, on va vous laisser sur ça. On vous dit la semaine prochaine. Je sais pas si y aura une émission en live. Non, il y aura pendant les fériés, donc il y aura pas d'émission en live. Par contre, nous, on va enregistrer un podcast entre guillemets comme à l'ancienne qu'on faisait avant l'été dernier autour de Gardiens de la Galaxie. Donc ce sera autour de bière. Je pense que ce sera beaucoup plus long et une ambiance beaucoup plus survoltée avec plus de monde. Donc moi, je vous donne rendez-vous pour ça. Donc vous aurez quand même un podcast. Ce sera en podcast par contre. Non, ce sera déjà passé. Sinon, vous pourrez écouter l'émission qui sera déjà passée de Geek en série numéro 2. Oui, Geek en série numéro 2 qui parle de Penny Dreadful. Sur ce, on va vous laisser. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, @comicsdiscovery et sur le site internet www.comicsdiscovery.fr. La semaine prochaine. Ciao. Et on vous laisse avec un titre qu'a choisi Thomas et c'est Elvis Presley. Je sais plus. Ah, c'est Elvis Presley qui a pris. Spoiler. Hound Dog, je crois que j'ai choisi, je sais plus. Hound Dog, je crois. Hound Dog, voilà, exactement. À la semaine prochaine. You ain't nothing but a hound dog to cry all the time. You ain't nothing but a hound dog to cry all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, you ain't ever caught a rabbit, and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog crying all the time. You ain't nothing but a hound dog crying all the time. Time.